satisfait d'avoir vu Agnès jeter, comme il le lui avait ordonné, une pierre sur Horace, son soupirant, Arnolphe envoie Alain chercher le notaire qui loge non loin de chez lui. Il développe ensuite longuement à sa future épouse les rudiments des devoirs conjugaux et surtout la met en garde contre les terribles effets de l'infidélité. Agnès semble se résigner au triste programme conjugal qu'Arnolphe lui fait lire. Arnolphe se repaît longuement de cette belle leçon quand survient Horace.